Le séminaire. Il vit de loin la croix de fer dorée sur la porte. Il approcha lentement. Ses jambes semblaient se dérober sous lui. Voilà donc cet enfer sur la terre dont je ne pourrais sortir. Enfin, il se décida à sonner. Au bout de 10 minutes, un homme pâle, vêtu du noir, vint lui ouvrir. Julien le regarda et aussitôt baissa les yeux. Julien releva les yeux avec effort et d'une voix que le battement de cœur rendait tremblante, il expliqua qu'il désirait parler à M. Pirard, le directeur du séminaire. Sans dire une parole, l'homme noir lui fit signe de le suivre. Une petite porte, surmontée d'une grande croix de cimetière en bois blanc peint en noir, fut ouverte avec difficulté et le portier le fit entrer dans une chambre sombre et basse, dont les murs blanchis à la chaux étaient garnis de 2 grands tableaux noircis par le temps. Là, Julien fut laissé seul. Il était atterré. Son cœur battait violemment. Il eût été heureux d'oser pleurer. Un silence de mort régnait dans toute la maison. Au bout d'un quart d'heure, il entra dans une pièce encore plus grande que la première et fort mal éclairée. À l'autre extrémité de la chambre, près d'une petite fenêtre, à vitres jaunies, garnies de vases de fleurs tenues salement, il aperçut un homme assis devant une table et couvert d'une soutane délabrée. Il avait l'air en colère. 10 minutes se passèrent ainsi. L'homme qui écrivait leva la tête. Julien ne s'en aperçut qu'au bout d'un moment. Et même après l'avoir vu, il restait encore immobile comme frappé à mort par le regard terrible dont il était l'objet. Les yeux troublés de Julien distinguaient à peine une figure longue et toute couverte de taches rouges, excepté le front qui laissait voir une pâleur mortelle. « Voulez-vous approcher, oui ou non ?» dit enfin cet homme avec impatience. Julien s'avança d'un pas mal assuré. « Plus près, » dit l'homme. Julien s'avança encore en étendant la main comme cherchant à s'appuyer sur quelque chose. « Votre nom ?» Julien Sorel. « Vous avez bien tardé, » lui dit-on, en attachant de nouveau sur lui un œil terrible. Julien ne put supporter ce regard. Étendant la main comme pour se soutenir, il tomba tout de son long sur le plancher. L'homme sonna. On le releva, on le plaça sur le petit fauteuil de bois blanc. Il entendit l'homme terrible qui disait au portier « Il tombe du haut mal, apparemment. Il ne manquait plus que ça. Êtes-vous en état de me répondre ?»« Oh, oui, monsieur, » dit Julien d'une voix affaiblie. « Ah, c'est heureux !» L'homme noir s'était levé à demi et cherchait avec impatience une lettre dans le tiroir de sa table de sapin qui s'ouvrit en criant. « Vous m'êtes recommandé par M. Chélan, c'était le meilleur curé du diocèse, homme vertueux s'il en fut, et mon ami depuis 30 ans. » L'abbé Pirard examina Julien sur la théologie, il fut surpris de l'étendue de son savoir. Mais quand il arriva aux questions sur la doctrine des pères, il s'aperçut que Julien ignorait presque jusqu'au nom de saint Jérôme, de saint Augustin, de saint Bonaventure, de saint Basile, etc., etc. « Au fait, » pensa l'abbé Pirard, « voilà bien cette tendance fatale au protestantisme que j'ai toujours reprochée à Chélan. » À quoi même ce raisonnement infini sur les saintes Écritures, pensa l'abbé Pirard, si ce n'est à l'examen personnel, c'est-à-dire au plus affreux protestantisme. L'abbé Pirard recommanda à Julien de n'entrer dans aucune société ou congrégation secrète sans son consentement. « Je vous en donne ma parole d'honneur, » dit Julien avec l'épanouissement d'un honnête homme. Le directeur du séminaire sourit pour la première fois. En arrivant au numéro 103, c'était une petite chambrette de 8 pieds en carré au dernier étage de la maison, Julien remarqua qu'elle donnait sur les remparts, et par-delà on apercevait la jolie plaine que le Doubs sépare de la ville. « Quelle vue charmante !» s'écria Julien. En se parlant ainsi, il ne sentait pas ce qu'exprimaient ces mots. Les sensations si violentes qu'il avait éprouvées depuis le peu de temps qu'il était à Besançon avaient entièrement épuisé ses forces.